Les frais d'inscription à la fac n'augmenteront pas, du moins pour le moment. C'est ce que promet le Premier ministre Édouard Philippe après des fuites concernant un rapport de la Cour des comptes. Celui-ci recommandait de multiplier par 4 le coût des droits d'inscription en master. 1000 euros contre 243 actuellement. Pas question pour le gouvernement. En revanche, les étudiants étrangers, eux, devront payer plus cher à partir de l'an prochain. Les sports, Didier Drogba raccroche les crampons. L'ancien international ivoirien l'a confirmé hier à 40 ans et après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix, il arrête sa carrière. Passé par la France, l'Angleterre, la Chine et la Turquie, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le PSG dans le flou, à 6 jours de son match face à Liverpool en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a dévoilé un diagnostic peu rassurant concernant la participation de Neymar et de Mbappé. Le premier souffre d'une élongation des adducteurs, le second d'une contusion à l'épaule. La météo, dans la matinée, la grisaille dominera sur le nord, sur l'est et sur le sud-ouest du pays, avec des brouillards parfois givrants, notamment sur le centre et la Bourgogne. Le soleil sera rapidement de retour dès la mi-journée au sud de la Loire, puis sur les Alpes, sur la Corse et sur la Provence. L'après-midi, il y aura un risque de pluie en Bretagne et sur les pays de la Loire, puis en soirée sur la Normandie et la Côte d'Azur. Les températures, elles sont en très légère hausse. 0 à Saverne ce matin, 1 degré à Cambrai, 2 à Paimpol, 3 à Montluçon, 4 à Tarbes, 8 à Orange et 9 à Solenzara. L'après-midi, on attend 5 degrés au Touquet, 6 à Nancy, 7 à Paris, 12 à Grenoble et 14 à Toulouse. Bonjour à tous, 8h03, c'est le double expresso RTL2, il est de retour, alléluia, mes chers frères, mes chères sœurs, Mathieu Chedid, M est de retour, super chérie, Lettre Infinie, c'est l'album qui sort cette année, on écoute M sur RTL2. Me monte, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime. Super chérie, super chérie, super chérie. Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau. Super chérie. L'album s'appelle Lettre Infinie. Il sortira le 25 janvier 2019. Il a dévoilé la pochette de l'album sur les réseaux sociaux hier. C'est sur tous les réseaux sociaux d'RTL2. Il est en tournée à partir du 8 février. C'est archi complet pour 8 dates. Fin de la tournée à la scène musicale de Boulogne-Billancourt le 8 juin prochain. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. Pas de Justine ce matin, petite opération, rien de grave, je vous rassure, elle reviendra en pleine forme, plus belle que jamais, plus forte que jamais, plus drôle que jamais. J'en fais des tonnes. Ah oui. Lundi matin, dès 6h, dans le double expresso RTL2. Heureusement, ce matin, à mes côtés, il y a Max des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour l'équipe. Jérémy Omanette. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, Jonathan O'Donnell, évidemment. Toujours présent. Toujours présent. Puis Clara, Naël, Jules, tout le monde est là. Aujourd'hui, je vous demande une musique, un petit peu de circonstance, s'il vous plaît. Elles sont 46 millions. Ah. 46 millions qui vont être mangés. Les dindes. Ah. C'est Thanksgiving. Donc 46 millions de dindes. Pas mal. Pensez à vous, 40 kilos. C'est le poids de la plus grosse dinde du monde. Elle était dans le Guinness Book des records. C'était en 89. Un beau moment, on s'en souvient. Plus de 116 millions de ménages américains fêtent Thanksgiving cette année et nous ne le ferons pas. Puisque non. Ça, c'est un truc que nous ne faisons pas en France. Voilà. On mange de la dinde hein, parfois, mais voilà, on ne mange pas de la dinde comme les Américains non-stop. C'était un moment émotion et je voulais, voilà, fallait que ça sorte. C'est je voulais normal. Le partager avec Merci vous ce matin. Greg. Ça m'a remué un peu. Je le vois. C'est tu vois, je suis un peu. On voit la musique parce que je suis un peu chose là. Pour vous, les dindes. RIP. Texas, Black Eyed Boy sur RTL2. Expresso RTL2 pour bien attaquer ensemble ce jeudi 22 novembre. Bon courage, ça va bien se passer aujourd'hui, 8h11. Demain, ce sera vendredi. Et qui dit vendredi, dit invité du vendredi. Notre invité, ce sera lui, Lucas Graham. Enfin, je dis lui, mais c'est un groupe en fait. Il a donné son nom au groupe. Il sera avec nous demain à partir de 8h sur RTL2 et il nous présentera notamment sa nouvelle chanson Love Someone. Double dose de Lucas Graham, double live demain dès 8h sur RTL2.

8h16, c'est le double expresso RTL2. Alors là, j'ai une nouvelle qui pourrait m'achever, moi. Je suis désolé, là, je sais que normalement on doit être souriant, tout ça, mais Bono, à la fin de la tournée à Berlin, a dit mardi, ça fait longtemps qu'on est sur les routes, près de 40 ans. Ces 4 dernières années ont été spéciales pour nous, il est temps de partir. Non. Je peux pas croire à ce, il est temps de partir. D'abord parce que ça nous arrange pas, nous, sur RTL2, hein, on va pas se mentir. C'est notre fonds de commerce, donc c'est on une mauvaise traduction, à mon avis, Grégory. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Alors on va les écouter, With or Without You, et puis après, ce sera l'info expresso du jour sur RTL2. Restez. Thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. Chef-d'œuvre intemporel, bah pour moi ça reste quand même la chanson de Ross et Rachel dans Friends, ce With or Without You de U2, entre autres évidemment. L'info expresso RTL2. Puisque je vous parle d'histoire d'amour, sachez que si vous voulez rencontrer l'âme sœur, c'est une étude de Adopte un mec, le site de rencontre qui le dit, eh bien il ne faut pas faire de faute d'orthographe, les femmes y sont très sensibles. Ah bah oui. C'est normal, je le sais, Justine vous dirait qu'elle est complètement d'accord avec ça, ma femme vous dirait qu'elle est complètement d'accord avec ça, et quand je dis ma femme, on dirait Colombo. Les femmes qui m'ont recalé pourront vous dire qu'elles étaient totalement d'accord avec mais ça aussi. Évidemment. 6 femmes sur 10 considèrent que c'est rédhibitoire si jamais vous faites beaucoup trop de fautes, le genre ça va, S.A. terminé. Ah oui, complètement. Terminé. Et pour 3 femmes sur 10, bah, c'est pas très grave. Alors que si, ça l'est, l'autre, elle s'en fiche. 3 sur 10, 6 sur 10. C'est un paradoxe parce qu'on sait quand même que les fautes d'orthographe ont augmenté de 68% en 30 ans à cause du langage SMS ou alors des mails. On écrit plus vite, on va plus rapidement, on fait des raccourcis. Ben voilà, sachez-le, l'orthographe est quand même un allié dans la séduction. Le Becherel est votre meilleur ami. Ouais, mais du coup, je me pose une question. Comment ils font les anges de la télé-réalité pour être tout le temps en couple alors? Oui, bah, c'est louche. Peut-être que c'est des faux couples. Ouais, bah, ah, non, on sait pas. Ouais, on sait pas. Tous les cas, c'est posté sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Voici IO Technologie version Milo et c'est sur RTL2. Bon début de journée. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot. Dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do, no force? Now that shit, she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get. Technology, version complètement différente de la version originale signée 50 Cent. C'était en 2008 sur l'album Coming of Age. 8h25, pas de Justine ce matin, mais évidemment votre horoscope. Justine qu'on embrasse, qui reviendra lundi, je le rappelle. C'est Jonathan, notre humoriste, et Max, notre responsable des réseaux sociaux, qui va vous faire l'horoscope du jour. On y va, Jonathan, médaille de bronze, les béliers. Arrêtez de stresser à la moindre occasion, cela ne sert à rien. Les cancers, Max. Il est temps de vous réconcilier avec vos proches. Les capricornes. Vous dépensez beaucoup d'énergie au travail, levez le pied. Les médailles d'argent maintenant, les taureaux. Vous êtes très drôle aujourd'hui, faites-en profiter votre entourage. Bah, tant que je donne le signe, les gémeaux. La chance est décidée à vous sourire en ce moment. Les lions. Je peux y aller ? Ouais. Vous n'avez pas de temps à perdre avec les critiques. Les vierges. Aujourd'hui, votre humeur est au beau fixe. Les scorpions. Votre absence se fait toujours ressentir, c'est bon signe. Les sagittaires. Au travail, vos efforts sont particulièrement remarqués. Les verseaux. Vous avez repris confiance en vous, votre attitude est positive. Les poissons. Vous êtes d'humeur à gâter vos proches, n'hésitez pas. Et la médaille d'or du jour, c'est pour... Les balances. Aujourd'hui, personne n'arrivera à vous contrarier, vous êtes décidé à passer une excellente journée, et c'est tant mieux. Quelle bonne nouvelle, Justine Salmon n'est pas en danger, elle sera avec nous lundi à 6h, et puis Lenny Kravitz arrive. Low. Il y aura également Travis et notre winner du jour. Parfois, quand on obtient quelque chose d'important, il faut savoir le savourer. Eh bien, notre winner n'a pas vraiment eu le temps de le savourer. Réponse dans quelques secondes sur RTL. C'est le Black Friday

De nouvelles inquiétudes autour des implants. Cette fois, ce sont les prothèses mammaires texturées qui sont sur la sellette. Depuis 2011, 53 cas de cancer liés à ce type d'implant ont été détectés en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament va se prononcer sur leur éventuelle interdiction. Toujours pas d'accord autour du Brexit. La visite hier à Bruxelles de la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, n'a pas permis de percer décisive dans les négociations sur le divorce. Madrid menace de bloquer les discussions. Elle s'inquiète du sort de Gibraltar, ce territoire britannique situé au sud de l'Espagne. Les sports J-1 avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe Davis. Et le tirage au sort de la finale entre la France et la Croatie aura lieu à midi et demi. On connaîtra les choix définitifs de Yannick Noah pour les matchs simples. Il va devoir choisir entre Joe Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et Jérémy Chardy. En basket, enfin, les Françaises joueront bien l'Euro 2019. Ce sera fin juin en Lettonie et en Serbie. Les Bleus se sont qualifiés en battant la Slovénie 88 à 44 à l'occasion de leur dernier match des éliminatoires. La météo dans la matinée, la grisaille dominera sur le nord, sur l'est et sur le sud-ouest du pays avec des brouillards parfois givrants, notamment sur le centre et la Bourgogne. Le soleil sera rapidement de retour au sud de la Loire, puis sur les Alpes, sur la Corse et sur la Provence. L'après-midi, il y aura un risque de pluie en Bretagne et sur les pays de la Loire, puis en fin de journée, risque de pluie également sur la Normandie et sur la Côte d'Azur. Les températures ce matin, 1 degré à Strasbourg, 2 à Arromanches-les-Bains et à Tours, 3 à Paris, 9 à Saint-Jean-de-Luz, 11 à Porto-Vecchio et 12 à Monaco. Cet après-midi, ça va un petit peu grimper. On attend 5 degrés à Lens et à Guingamp, 8 à Lyon, 9 à Vesoul et 13 à Carcassonne. Merci beaucoup. Retour des infos à 9h sur RTL2. Voici Lenny Kravitz, Low. RTL2. le double expresso RTL2, le winner du jour. Lenny qui sera en tournée française avec RTL2. Il sera du côté de Paris, de Lyon, de Nice, de Toulouse et de Nantes. Alors, tiens, puisque je vous parle de tournée, notre winner, j'ai trouvé sur 7sur7.be. C'est un jeune conducteur qui s'est fait retirer mercredi son permis en Allemagne. Il a 18 ans, il est à Hemmer, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Du coup, je peux prendre mon accent allemand, il y a que je peux beaucoup faire. Je peux vous appeler Madame Bou? Non, vous ne pouvez pas. Bref, bon, ça, c'est pas piffé de la résistance, ça n'a aucun rapport. Il était avec quatre amis à bord du véhicule et il roulait un peu vite. C'était limité à 50 km/h, il était à 95. Donc, il s'est fait tirer son permis. Mais là où c'est notre winner, c'est que ce permis, il l'avait obtenu 40 minutes avant. Oh, voilà. Alors, pour être tout à fait précis, 49 minutes avant. Il l'a donc perdu. Il va payer une lourde amende et une formation supplémentaire coûteuse. C'est notre winner du jour. Il aura eu son permis de conduire pendant 49 minutes. Champion l'Allemand, bravo. Peut-être on peut l'avoir dans le Guinness des records qu'on adore tant. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah, on va guetter, on va les regarder. Tiens, c'est une bonne remarque de Jonathan Dell. C'est toi qui vas chercher, j'ai pas le temps là. On va faire ça. 49 minutes, son permis, imaginez. Soyez prudents hein, sur la route si vous partez au boulot. On est avec vous, il y a le temps d'écouter Travis Singh sur RTL de bonjour. Baby, you've been going so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too. De Travis, c'était Sing sur RTL2. Puisqu'on est en Écosse, on va faire un saut du côté. Allez, de l'Angleterre, ça sera Queen. Tiens. Ce qui est bien, c'est que je fais croire que je sais pas ce que ça va être, alors qu'en fait, je sais. Vous voyez, c'est là. Quel talent. Oh, bah, des années de métier. I want it all. Et puis la banque RTL2 au 3228, vous appelez maintenant. Clara vous répond pour gagner jusqu'à 10 000 euros et c'est seulement sur RTL2. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres fabuleuses toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. L'eau de toilette Wanty Dazzaro 100 ml et le fond de teint Idol de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles, détails en magasin et sur nocibé.fr.

sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. 8h49, bonjour Mélanie. Bonjour Grégory. Bonjour, bonjour, comment ça va Mélanie? Ça va bien et vous? Ça va bien, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes à Agde, dans le sud de la France, sud-est? C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bosser. Et je suis au travail. Ah, vous êtes déjà au travail? Vous arrivez à quelle heure sur votre lieu de travail? Normalement 8h48. Ah, et là il est 8h49 et 38 secondes. Et donc vous étiez un petit peu en avance pour nous appeler, j'ai bien compris la feinte. Bon, c'est une bonne idée en tous les cas, parce que ça peut vous permettre de gagner jusqu'à 10 000 euros. On a également des MacBook Air, ça a été gagné dans la banque précédente par exemple. On a des séjours un petit peu partout à gagner en famille, on a des smartphones, mais on a aussi des coffres vides. Faut faire attention Mélanie, vous connaissez la règle. Oui, oui, oui. Je vois que vous aimez le rugby, donc n'hésitez pas à plaquer les coffres. Hein. Vous êtes plus forte que. Hein. Allez-y, une tranche dans l'Ovalie, on y va, top chrono, une minute. Voici le coffre. Une tablette Surface Pro. Eh, bien ça, 1000 euros la tablette Surface Pro. Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Très, très bien même, si vous voulez que je vous dise. D'accord. Je sais pas ce qu'il y a derrière, par contre. Hein. Je suis stressée. C'est dur. 40 secondes, il y a peut-être moins bien, il y a peut-être mieux. Ouais, c'est ça. Mmh. Allez, je joue. Coffre 2. Vous êtes sûr? On essaye. Ouais. Coffre 2. Une copie double, petit carreau. Bon, on va enchaîner. Ouais. Coffre 3. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. C'est pas très loin de chez vous. C'est un séjour à Aix-en-Provence pour deux. Non, coffre 4. Coffre 4. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros la valeur de ce robot pâtissier. Reste 12 secondes. Allez, coffre 5. Oh là là là là là, coffre 5. Une Xbox One X. La Xbox One, 500 euros. On prend la Xbox. Oui. Oh, j'avais des palpitations. Calme-toi, Greg. J'étais stressée. Ah, j'étais pas bien. Il restait quoi, 3 secondes en plus. Il y avait encore la place d'un com, Jérémy, ou on n'avait plus vraiment la place? Fallait dire c'était limite. Hein. Ouais, c'était vraiment ric-rac. Hein. Bon, bah bravo. La console Xbox One X, 499 euros. Je vois que vous avez des enfants, ça va faire plaisir à tout le monde. Vous allez jouer en famille. Surtout au mari. Ah oui, c'est le mari. Bah, vous avez 3 enfants du coup, vos 2 enfants et votre mari. Voilà. Et bah bravo. À vous la Xbox One, on est ravis pour vous. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée.